Il y a longtemps que vous êtes en France? Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Et vous habitez où? À la CTU? La cité universitaire? La maison américaine? Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. C'est pas luxueux, mais c'est propre et pas très cher. Il y a longtemps que vous êtes en France? Il y a longtemps que vous êtes en France? Non, depuis hier seulement. Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Depuis quand Robert est-il à Paris? Depuis hier. J'habite dans un petit hôtel du quartier. Un petit hôtel. Un petit hôtel du quartier. J'habite dans un petit hôtel. J'habite dans un petit hôtel. J'habite dans un petit hôtel du quartier. Oh, ce n'est pas luxueux. Ce n'est pas luxueux, luxueux. Ce n'est pas luxueux. Mais c'est propre et pas très cher. C'est propre, c'est propre. Et pas très cher, pas très cher. Ce n'est pas luxueux, mais c'est propre et pas très cher. Où habite-t-il? Dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Comment est cet hôtel? Il est luxueux, cher? Non, il n'est pas luxueux, mais il est propre et pas très cher. Et vous venez souvent en France? Non, c'est la première fois. Ma mère est française, mais mon père n'aimait pas beaucoup la France. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances aux Bermudes ou en Amérique latine, où mon père avait des intérêts. Vous passez vos vacances en Amérique du Sud? Et pourquoi dites-vous mon père n'aimait pas, avait des intérêts? C'était votre père. Ah non, non, non. Mon père vit toujours. Il est même en excellente santé. Mais mes parents sont divorcés, je ne vis plus avec eux. Ma mère est mariée avec un Argentin. Alors, les Bermudes, les vacances en famille, tout ça, c'est passé. Vous venez souvent en France? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. La première fois. C'est la première fois. Est-ce que Robert vient souvent en France? Non, c'est la première fois. Mon père n'aimait pas beaucoup la France. Mon père n'aimait pas beaucoup la France. Mon père n'aimait pas beaucoup la France. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. En Amérique latine. Nous avions l'habitude. Nous avions l'habitude. Nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. Nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. Quand j'étais petit, quand j'étais petit. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. où mon père avait des intérêts. Mon père avait des intérêts en Amérique latine. Mon père avait des intérêts. Pourquoi ne passait-il pas ses vacances en France quand il était petit? Parce que son père n'aimait pas beaucoup la France. Où le père de Robert avait-il des intérêts? En Amérique latine. Oh non, non, non, non, non, mon père vit toujours. Il vit toujours. Mon père vit toujours. Est-ce que le père de Robert est mort? Non, non, il vit toujours. Il est même en excellente santé. Mais mes parents sont divorcés. Mes parents sont divorcés. Divorcés. Mes parents sont divorcés. Ma mère est remariée. Elle est remariée. Remariée. Ma mère est remariée avec un Argentin. Un Argentin. Ma mère est remariée avec un Argentin. Est-ce que les parents de Robert vivent toujours ensemble? Eh non, ils sont divorcés. Avec qui sa mère est-elle remariée? Avec un Argentin.